1. Façon chaque jour c'est carpe diem. Si un dilemme paraît, je vais pas péter tarpé. Mes problèmes, je leur dis pas tard plus et j'assume, même si ceux-ci sont armés de massue. Je m'inclinerai jamais car ma rime est parée.